quand on m'a proposé de vous faire un petit laïus sur l'architecture d'une exposition au début, avec le rapport avec l'architecture de l'information, je me suis trouvé un peu démuni. Et puis ensuite, je me suis dit, oh, pourquoi pas, allons voir un peu et remontons les strates archéologiques du projet. Et finalement, j'ai trouvé la proposition très pertinente. Et vous verrez que, en fait, ça m'a fait redécouvrir des éléments importants au moment de la constitution du projet. Et j'ai trouvé finalement des rapports avec vos questionnements très très proches. L'architecture d'une exposition, en fait, c'est quoi ? Ce que je vais vous parler, c'est de la conception d'un contenu jusqu'à sa mise en forme, jusqu'à ce qu'on appelle sa scénographie dans notre jargon, dans une exposition permanente. Et cette exposition permanente, c'est Origine, les récits du monde, qui fait partie du parcours permanent. C'est une des quatre expositions du parcours permanent. Alors, l'architecture en information, c'est quoi ? On va faire un petit peu de... L'architecture de l'information, oui, on va faire un petit peu de vocabulaire, si vous voulez bien. En fait, à la place d'information, je parlerai plutôt de contenu au pluriel, et de discours au singulier. Pourquoi ? En fait, une exposition, c'est avant tout différents contenus qui sont... les collections, les études préliminaires, les textes dans une exposition, tout ceci sont les contenus, les audiovisuels, voilà, mais qui sont là pour servir un discours. Et quand on parle d'architecture, en fait, dans une exposition, on parle de deux architectures. Il y a d'abord une architecture de l'information, je dirais une architecture qui est plutôt intellectuelle, c'est la hiérarchisation des contenus dans l'exposition, mais qui va s'intégrer dans une autre architecture qui, elle est bien physique. C'est la mise en scène, ce qu'on appelle la scénographie. Donc, finalement, c'est des idées qu'on va passer en trois dimensions, donc qui s'intègrent dans quelque chose de physique. Je voulais faire un petit préliminaire aussi avant. Une exposition, c'est quoi ? Il y a plein de gens qui pensent savoir ce que c'est qu'une exposition, qui ont des grandes idées. Alors au départ, même des professionnels, une exposition, c'est un sujet. Le sujet, on en a débattu la première fois dans une réunion avec des scientifiques qu'on avait invités pour définir un petit peu la problématique. C'était le 29 mars 2000, ça fait un petit moment. Et ce sujet, on l'avait défini comme tel, du cosmos à l'individu. C'est vaste. À partir de ça, comment on travaille ? Eh bien, tout simplement, on fait ce que toute personne font quand on a un sujet. Eh bien, on constitue une bibliothèque. Et cette bibliothèque, alors celle-ci, c'est pour rendre hommage à mes collègues du Centre d'études et de conservation des collections du Musée des Confluences, c'est notre bibliothèque. Avec des ouvrages spécialisés sur tel ou tel sujet, on va aller voir des scientifiques. On va aller regarder un documentaire vidéo sur tel sujet. En fait, on refait une synthèse autour de cette question pour quelque part réécrire un livre. Mais, j'y tiens, une exposition, ça n'est pas un livre, ça n'est plus un livre. Et le 20 décembre 2014, quand l'exposition a ouvert, elle n'était plus un livre. Et je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Ceci, alors je suis désolé pour la qualité de l'image, ceci n'est pas une exposition. Ceci est un livre dont on a enlevé les pages et qu'on a collé contre un mur. Une exposition, c'est autre chose. Une exposition, c'est un espace en trois dimensions dans lequel le public évolue. C'est un volume. Et le public tourne, bouge. Il bouge autour de collections, il bouge autour de textes, d'audiovisuels, il s'assoit, il se lève, il y a des collections sur les côtés, il en a même accroché au plafond, vous voyez des ptérodactyles et au fond un mosasaure, c'est un gros varan qui vivait il y a plus de 60 millions d'années dans la Méditerranée. Une terreur. Le parcours permanent où se situe cette exposition, quelle approche des contenus on a eue ? En fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, une exposition, c'est la synthèse autour d'un sujet. Nous faisons des expositions thématiques. Mais par contre, notre marque de fabrique au Musée des Confluences, c'est que nous travaillons dans l'interdisciplinarité scientifique, c'est-à-dire que nous travaillons avec des scientifiques, sciences humaines et sciences dites dures. J'aurais pu dire sciences inhumaines et sciences molles. Ça marche aussi. Mais on a l'habitude de dire sciences humaines et sciences dures. Avec est important. C'est de la pluridisciplinarité, mais surtout de l'interdisciplinarité. C'est-à-dire que, dès le départ, on les a fait travailler ensemble. Et ça a commencé en 2003. Les membres du comité scientifique d'origine, c'est Elisabeth de Fontenay, philosophe spécialiste du rapport homme-animal et qui enseignait à la Sorbonne. C'est Pierre Gibert, qui est un théologien spécialiste des mythes de création de tout le bassin méditerranéen et qui est aussi un exégète critique de l'Ancien Testament. Pascal Pic, paléoanthropologue au Collège de France. Roland Bacon, l'ancien directeur de l'Observatoire de Lyon, qui aujourd'hui dirige un programme de recherche avec un instrument qu'il a mis au point avec son équipe qui s'appelle MUSE, qui est en fait un spectromètre qui permet d'étudier dans le fond diffus de l'univers les premiers instants de l'univers. Il fait ça sur le grand télescope européen sur le site du Chili en haute altitude. Et un des collègues de nos amis de l'École normale supérieure de Lyon, Pierre Thomas, qui est un géologue et un grand pédagogue de la géologie, que vous verrez cet après-midi. Un discours, mais un discours pour qui ? Quelle est notre cible ? Notre cible, c'est le public familial. Quand on parle de public familial, ça veut dire une famille avec ses enfants qui viennent au musée. Et les enfants, s'ils sont trop petits pour comprendre, eh bien, c'est la famille, les parents qui viennent expliquer, qui sont les médiateurs. Quand on a dit ça, ce qu'on veut dire aussi, c'est que nous ne pré-catégorisons pas les visiteurs en amont de l'exposition. Nous n'avons pas conçu les expositions avec des parcours spécialisés pour, dans le même espace, avoir un parcours pour les amateurs éclairés, pour les béotiens moyens, pour les enfants, pour les polytechniciens ou autres. Sinon, on se retrouve avec des expositions avec 50 parcours. Et surtout, pour nous, comme nous concevons les expositions et comme nous concevons le musée, une exposition, c'est un espace à vivre ensemble, avec nos différences. Et pour faire ça, il faut qu'on parle la même langue. En gros, nous avons plutôt choisi un seul niveau de compréhension, qui est commun à tous, plutôt qu'une multiplicité de parcours, en ciblant, avec des langages différents, des publics différents. Et ce niveau de compréhension, c'est en fait celui d'un journal quotidien. C'est-à-dire que si vous lisez n'importe quel texte dans les expositions, normalement, je dis bien normalement parce que c'est peut-être pas une science exacte, on devrait tous comprendre de quoi il s'agit, avec des mots simples, même des choses compliquées. Ce discours, comment on le construit ? On essaye d'impliquer les visiteurs, comment ? Par l'ancrage des thématiques dans des enjeux contemporains. À chaque fois, on essaye d'utiliser les sujets pour rebasculer la thématique, à un moment donné, l'ancrer dans notre époque et dire quelque chose d'aujourd'hui, de nos sociétés et de nous-mêmes. Le discours, il est illustré avant tout par des collections. Nous sommes un musée, nous le revendiquons. L'histoire de ce musée est ancienne, elle commence par un cabinet de curiosité au XVIIIe siècle, et nous conservons plus de 2 200 000 objets, spécimens ou œuvres, dans nos réserves. Nous sommes bien un musée. Dans l'origine, c'est 392 objets, œuvres ou spécimens. Et dans le parcours permanent, j'ai mis le chiffre, c'est 3038 objets. Il y en a quand même encore 2 millions et, voilà, en stock. Alors, dans les 2 millions, il y a 1 million d'insectes. Hein. C'est ça. Hein. Mais quand même. Un discours s'est aussi illustré par la scénographie, on en parlait tout à l'heure. Et la scénographie, comment elle illustre le discours ? Eh bien, par des ambiances lumières, des ambiances sonores, par des audiovisuels, par des interactifs. Tout ceci est là, et bien là pour porter et servir le discours. Le discours est mis en scène. Il est mis en scène par qui ? Par des scénographes. Mais pour les expositions permanentes, nous avons souhaité que ces scénographes, ces metteurs en scène spécialisés dans la mise en scène en exposition, on a voulu que aussi ils soient des muséographes. Alors souvent, on fait la confusion entre les deux. Scénographe, c'est mettre en scène dans des volumes des contenus. Muséographe, c'est avoir la capacité à analyser ce que nous proposons en termes de discours, en termes de collection. Et en ayant cette capacité, c'est aussi avoir la possibilité que l'on nous propose, que le scénographe nous le dise, eh bien, écoutez, vous avez commencé l'exposition par tel thème. Nous, on pense, pour le rythme de la visite, pour la compréhension qu'on en a du sujet, que ce que vous avez mis au début, il faudrait plutôt le mettre au milieu, que cette collection, elle est intéressante, mais que la petite qui est là, qui n'est pas très développée, eh bien, on pourrait peut-être intervertir et dire quelque chose de mieux. C'est-à-dire qu'on a accepté, mais parce qu'ils étaient compétents, de remettre en question la distribution des contenus, voire le développement des contenus que l'on proposait. Bien évidemment, on a des garde-fous, les comités scientifiques, quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas un chèque en blanc. Donc, ils analysent le contenu, ils font des propositions pour repositionner le contenu dans l'espace, et pour cette exposition, c'est allé même jusqu'à inverser le sens du parcours. Et ça a été, on pourra y revenir tout à l'heure, extrêmement important, cette proposition, puisque ça nous a complètement désarçonné quand on nous l'a proposé. Alors on s'est posé, on a discuté entre nous, on est remonté au niveau des comités scientifiques, et la proposition était très efficiente. Vous verrez pourquoi. Maintenant, je vais venir, et je pense être dans les temps, j'y suis, revenir un petit peu sur, à partir du sujet, comment on en arrive à l'exposition. Et ça commence par un préconcept, donc une note d'orientation de 5 pages, une étude préliminaire qui dure un an, qui est un peu volumineuse. Et puis, un préconcept, c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'il dit, en fait, le préconcept ? En fait, c'est deux axes. C'est en fait la problématique, c'est la question qu'on se pose. Quelle est la question qu'on va traiter dans l'exposition ? Et c'est aussi quels différents thèmes on va convoquer, puisqu'au départ, on en a énormément. J'attire votre attention sur le souci du vocabulaire que nous avons eu dans cette exposition, puisqu'on parle quand même d'origine, qu'il y a des récits mythiques, donc on parle aussi de religion, on parle de science, on est dans une époque où les néo-créationnistes sont de plus en plus forts. Au début, le titre, c'était « Des origines et des destinations ». On est là, si mes souvenirs sont bons, j'ai dit 2003-2004. On a commencé à travailler en 2003. Et on a mis un an et demi pour s'apercevoir que le titre portait le contraire de ce que l'on voulait dire depuis le début. C'est-à-dire qu'en gros, « destination », ça veut dire qu'il y a un destin, c'est-à-dire qu'il y a un grand architecte qui est en haut et qui a fait tout ça. Et c'est la philosophe, au bout d'un moment, qui a attiré notre attention. Il faut pas de destination, il faut trouver autre chose. C'est devenu origine et devenir, quelques temps après. Du préconcept au concept, après, on a 19 études, ça dure un an, par les membres du comité scientifique. Et on arrive en septembre 2005 à ce document de 49 pages, que voici. Et j'attire votre attention, ça c'est la page 4, sur comment se déroule en fait l'exposition à travers ce contenu. C'est une déclinaison verticale, banale, de haut en bas, qui reprend la chronologie du parcours tel qu'on s'imagine à cette époque. Et puis, il faut passer aussi au niveau des collections, parce qu'écrire un propos, c'est très bien. Vous voyez qu'après la production de ce concept, 42 autres études ont été faites par les membres du comité scientifique et d'autres experts associés. Et puis, il faut présélectionner les collections, parce qu'on part de 2 200 000 collections. Et au tout début du projet, je ne voulais pas montrer, mais je crois que pour origine, la pile, elle est à peu près ça ne me dépassait pas, donc c'est à peu près par là, de listing de numéros d'inventaire. Voilà à quoi ressemble un cahier d'objets. C'est une phase avancée, mais là, sur 125 pages, il y a à peu près un tiers d'objets en plus qu'il y en a aujourd'hui dans l'exposition. Voilà, je vous fais un zoom sur une pièce qui est pour Pierre Thomas, une des Jocondes de notre collection, juste pour la petite histoire. À 40 km de Lyon, il y a 150 millions d'années, une lagune tropicale, comme on pourrait en trouver en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, il y avait des crocodiles. Et ce spécimen de crocodile est ce qu'on appelle un type, c'est-à-dire qu'en sciences naturelles, en sciences de la vie, quand vous définissez une espèce, vous le définissez par un spécimen, et c'est le spécimen qui a permis de définir cette espèce, Crocodylemus robustus, mais il est encore plus rare que ça, puisque c'est le seul représentant actuellement connu de son espèce. Qu'est-ce que ce cahier d'objets dit et qu'on va donner au scénographe? Eh bien, il donne des préconisations de conservation et de présentation de la pièce. Il faut la mettre en vitrine parce qu'elle craint la poussière. Il faut, parce qu'elle a peu de relief, un éclairage rasant, c'est indiqué. Et puis, des préconisations de soclage. Là, il faut juste la fixer en fond de vitrine puisqu'elle est dans une vitrine. Elle n'a pas besoin de soclage. L'éclairage aussi, 200 lux maximum, parce que si on a des pièces de collection qui sont en matériaux organiques, la lumière les détruit petit à petit et les pigments disparaissent. En l'occurrence, là, c'est pas le cas, donc on peut mettre 200 lux, sinon ça serait 50. Numéro d'inventaire pour qu'on s'y retrouve, et les dimensions et le poids. Ensuite, on va passer du concept au programme, c'est-à-dire le document qui va nous permettre d'aller au concours de scénographe. C'est ce qu'on va leur livrer. Et avant ça, on se pose la question de schématiser les trois grands axes de l'exposition. Et on commence comme ça. Donc en gros, ces trois axes, c'est un, les collections ethnographiques qui parlent des récits d'origine. C'est deux, cette grande ligne bleue qui est en fait le parcours chronologique de l'exposition avec pléthore de fossiles d'animaux naturalisés, de météorites et autres. Et celui qui est en vert, c'est en fait, à l'époque, un parcours qui va expliquer les mécanismes de l'évolution de la vie qu'on aura présenté dans la ligne bleue seulement d'un point de vue chronologique. Dire qu'à telle époque, il y a une évolution, puisqu'on va passer des amniotes aux tétrapodes, etc., c'est intéressant. Expliquer comment ça s'est fait, les mécanismes qui ont opéré, c'est aussi intéressant. Ensuite, on va passer dans une phase de pré-scénarisation. Et alors là, accrochez-vous. On essaye de spatialiser la hiérarchie des contenus. Et ça donne ça. Ce ne sont pas des planches à voile. Si en fait on retrouve cette logique, à droite en jaune les collections ethnographiques, en bleu à gauche les collections sciences naturelles, paléontologiques, météorites ou autres, et au milieu en fait on fait un parcours qui devient des questions de société qui sont en fait à l'interface des deux grands groupes de collections. Et on essaye, alors ça c'est un schéma un peu... un exercice un peu mental, essayer de mettre ceci dans l'espace. La ligne verte, c'était quoi ? C'est justement à l'interface des deux, des questions qui... Par exemple, on pourrait se dire, vous avez un récit d'origine qui va vous expliquer comment les Inuits expliquent l'origine de la vie. Vous avez de l'autre côté la théorie de l'évolution expliquée. Voilà. Et au milieu, la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui dans notre monde contemporain, c'est les OGM, la manipulation génétique, quel enjeu pour les uns et pour les autres. Les pièces pour le concours, on l'a dit, eh bien, il faut développer ça, c'est un programme muséographique, c'est ceci, muséographique sommaire. Alors, au début, c'est des grands objectifs. Et ensuite, on a en fait deux logiques. Une verticale, c'est le parcours de A à Z, dans le sens où on l'imagine, la succession des sujets, et sur l'horizontale, de gauche à droite, de quoi ça parle, quels sont les objets qu'on y associe, les médias, images fixes ou animées, et surtout l'expérience que l'on souhaite pour le visiteur. Et voilà ce que ça peut donner. Bah, par exemple, pour la maquette ou le prototype du robot martien, on veut des images animées, justement des robots sur Mars, et à côté de ça, dans l'expérience souhaitée, si on est sur un... On veut raconter le Big Bang, et ben on veut un écran géant parce qu'il y a un rapport d'échelle important entre l'immensité de l'univers et l'individu qui est évidemment un peu moustique face à tout ça. Et donc on veut un grand écran. Et puis on va aussi définir deux axes et deux principes de visite. Un principe chronologique, je vous l'ai dit tout à l'heure, et un principe thématique. On pourra revenir sur les schémas si vous voulez tout à l'heure. Mais tout ceci, vous avez le contenu d'un côté, puis les grands principes, et bien tout ceci, il faudrait le lier. Et on le lit comment ? On organise donc les thèmes et les sous-thèmes dans un schéma, et ça donne ça. Et ça, vous verrez, c'est pas très loin du buisson de l'évolution, c'est un système tribolique, quoi, bateau. Mais quand on l'a fait, on s'en apercevait pas. En fait, ça pourrait être en 3D. Vous avez au centre les collections ethnographiques, les récits d'origine chez les Inuits, les Aborigènes ou autres. Sur l'extérieur en bleu, bleu foncé, le parcours chronologique, les épisodes et les étapes de l'évolution de la vie et de l'évolution de l'univers. En bleu ciel, les mécanismes de ces épisodes. Et en vert, eh bien, ces questions à l'interphase. Et vous voyez, manipulation du vivant, risques et prévisions, limites des connaissances, etc., etc. L'interprétation qu'en fait le scénographe au moment du concours, c'est pour ça qu'on l'a choisi, parce que en fait, il a compris le propos. Certes, pour lui, les questions de société prennent beaucoup de place. Il en fait ce qu'il appelle le chemin de la confluence entre les sciences dites dures et les sciences humaines. Mais il dispatche quand même la collection sur des îlots, et ça a l'air de tout rentrer. Voilà, on passe de ça... à ça. Et puis bah, il faut aussi quand même dessiner, spatialiser tout ça. Et il fait des croquis qui nous montrent qu'il a quand même un rapport d'échelle efficace et surtout des mises en espace qui sont bien pensées. D'ailleurs, les sièges boules, on les retrouve dans l'expo. Lui fait d'abord en février 2008 un avant-projet sommaire où des éléments sont stabilisés, mais il y a encore quand même des choses à. Des écueils qu'il faut régler. Et le chemin de la confluence, vous vous rappelez, cette petite ligne verte au début, qui grossit énormément au moment du concours, et bien lui, il en fait ces espèces de totems, là, et il en fait l'axe directif du parcours. Alors, voilà à quoi ça ressemble au départ, une espèce de grand lustre où on a ces questions. Mais par contre, on ne sait pas encore comment on les traite. J'en vois certains interloqués. Voilà dans la maquette ce que ça donne. Donc ces espèces de paniers, vous voyez, qui sont dans le parcours. Et puis l'avant-projet définitif arrive. Et à ce moment-là, on se rend compte d'une chose. C'est que cet axe, finalement, c'était plutôt l'axe intellectuel de construction, de conception de l'exposition. Et que quand on le matérialise, on s'interroge. Et donc finalement, ce qu'on s'est dit, on ne laisse pas l'échafaudage après avoir construit l'édifice. Ceci n'est que l'échafaudage intellectuel de l'exposition. Il faut le retirer. Et nous le retirons. Nous le retirons en 2009-2010. Et en fait, aujourd'hui c'est l'exposition... Il se situerait, ces grands totems se situeraient ici. Voilà. Et on les a fait sauter. Et quelque part, aujourd'hui, ce qui fait le lien entre, d'un côté, le parcours chronologique et de l'autre, le parcours thématique, c'est le visiteur lui-même. Et c'est son choix d'aller de l'un à l'autre. Et on n'a pas besoin de le tenir par la main, en fait. Ensuite, il y a la phase d'exécution scénographique et puis toute la phase de production. Pour la petite histoire, en 2012, on en est à la 28e version du programme muséographique, mais dernière version. L'ouverture, l'exposition ouvre. Elle ouvre le 20 décembre 2014. Nous avons en hiérarchisation des contenus, les textes, qui se déclinent sur 8 degrés successifs. On va les faire ensemble. Le titre, qui est à l'extérieur de la salle. Le texte d'introduction de l'exposition avec un texte unique pour les deux parcours, mais qui sont bien identifiés avec des calligraphies différentes et qui spatialisent dès l'introduction.